constamment entouré de ces gens qui démotivent. La vie fausse, on se motive. Le haram, chute libre pour l'être motive. Non, quotidien, faire le mal sans motif. Dans le vide, suicide collectif. La souffrière, je suis natif. Tif, pour prendre les thunes, beaucoup se captif. Du matos, j'allume un spliff. Une poussie, je suis seul fautif. On donne de l'importance, ces choses qui ne valent pas la peine. Effusion de thème, l'armée, nos cœurs meurent tués par la haine. La zone A, beaucoup s'y sont vus prospérer. Espérer la racine du mot terrain, serait le monde enterré. Incarcéré l'espoir, on a du mal à respirer. On fout le spell à nos mères, c'est des larmes de sang qu'on leur fait pleurer. Tellement bourré qu'on va pas lorsqu'elles s'inquiètent. En quête de bonheur, comment faire le million sans lance-roquette. Y'a des questions que je me pose quand d'autres n'ont pas eu le temps. Cette vie, comment je la contemple, la paix 38 sur la dent. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Une injure pour nos pères, se faire crever alors ça s'enlève jeune. Je suis redoute, le gire, là où ça tire pour faire genre logique. Ça se déchire pour réfléchir, l'apologie de l'ignorance. Beaucoup pointe de s'agir, faut souffrir pour ça s'agir. Pour rien ça jure, mon séjour sur terre. Avant que je parte, faut que je sois à jour. Faut rien de l'année jour, on met ça un séjour. On s'enfonce dans le mensonge, nos visages en eau. Les gens parlent d'amour, mais tout n'arrange comme une tumeur. Extrême son humeur, l'œil du deuil, un cimetière dans ma demeure. Une genouille à genoux, les commerces étonnent. Ils roulent en BM, les chômeurs chez nous et on veut changer, mais on a peur de ce qu'on va devenir. À la dérive, quitter ce navire avant qu'il chavire. Seul, on se met dans la ligne de mire. On rêve, on se lève, on crève sans devenir émir. Y'a tellement d'ennemis sur mon chemin, y'a pas un jour on se trompe pas de combat. Je suis sur un champ de mille, avant qu'on paraisse, faut qu'on fasse à la janaza. C'est pour nos smalas, qu'on finisse là-bas. Inch'Allah, partir, tant de planches, j'ai là-bas. Mais y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Il s'agit plus d'un bateau qui tangue, mais d'un fleuve en furie. Ça revient comme un boomerang, et moi je chante les cœurs meurtris. Coupé en deux, divisé ma fratrie. Je m'isole et j'ai du mal à retirer la camisole de l'esprit. On dit de me serrer la ceinture, j'en ai pas donc je me serre la ficelle. Je fais rien seul, rien ne m'appartient ici bas à part mon linceul. Évitez l'inchage, besoin de personne qui va laver mon linge sale. J'ai parlé d'amour, tu de moi y'avait une potence. Vie intense, l'instinct, chaque instant a son importance. Je trouve plus de sommeil, sur mon seuil la mort à ma porte. Vu qu'à que ça dans notre entourage, je crois que les femmes c'est toutes des salopes. C'est trop tard, l'illusion est dans la pupille, on connaît rien en amour. Et si Dieu nous donnait des filles, c'est l'œil du mensonge, c'est voir faux. Au pied du mur, je monte une échelle, mène droit à l'échafaud. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison. Y'a plus besoin d'aller en prison pour péter les plombs. Funèbre oraison, truffé de plomb et notre horizon. Quand l'illusion est dans mes songes, la rétine a besoin de voir autre chose. Mieux vaut perdre la vue que la raison.